Bonjour. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de lecture et un texte me donne très très envie de retenter l'aventure. Et c'est avec un texte des Canards Masqués que je tente une nouvelle série de lecture. On verra si ça tient ou pas en fonction de beaucoup trop de choses. Et donc, ce texte des Canards Masqués, c'est issu de leur chronique mensuelle. Donc là, c'est la 9e déjà. Elle a été publiée le 8 février 2025. J'ai essayé plusieurs fois de l'enregistrer depuis sans pouvoir aller au bout. J'espère que cette fois-ci est la bonne. Et ça s'intitule « Le Covid, grand oublié de la santé au travail ». La chronique s'appelle « À ta santé, camarade ». Et ça a été publié sur le site de Rébellion Info. Rébellion, c'est rebellyon.info. Et voici la lecture. « À ta santé, camarade » est une chronique mensuelle des Canards Masqués. Cette 9e édition décrypte l'indifférence généralisée qui accompagne l'absence de prise en compte du Covid-19 sur les lieux du travail. Les politiques gouvernementales à la médecine professionnelle, en passant par le syndicalisme, à peu près tout le monde s'est converti au Covid-négationnisme et ce sont les travailleurs et travailleuses qui en payent le prix. La rentrée sociale de l'automne 2024 a été marquée par une mobilisation syndicale contre le projet de réforme des arrêts maladie de la fonction publique. S'alignant sur le secteur privé, cette réforme prévoit 3 jours de carence et une indemnisation à hauteur de 90% du salaire. Ce danger sanitaire, Dixit Sud Éducation 95, a mis vent debout l'ensemble des organisations professionnelles contre celles qui vont tous nous rendre malades, Dixit la CGT Éduc Paris. Sur les visuels envoyés via messagerie professionnelle et affichés dans les salles des personnels, des photos de personnes qui se mouchent fort, se tiennent la tête à cause d'un mal de tête, portent des masques chirurgicaux, voire en tissu, et des petits dessins de virus, mais pas de Covid à l'horizon. « Il va vous brutaliser, vous épuiser, vous faire perdre des jours de salaire », Dixit le SNES FSU. D'un côté, on voit le ministre de la fonction publique d'alors, à savoir Guillaume Gasparian, et de l'autre, le virus de la grippe. On sort tout juste d'une des plus importantes vagues de contamination au SARS-CoV-2 depuis 2022. Mais sur les affiches, la pandémie en cours est absente. Les dernières données disponibles sont pourtant formelles. En 2023, le Covid-19 a tué 15 000 à 20 000 personnes en France et la grippe environ 9 000. Le nombre d'arrêts maladie dans la fonction publique est passé de 43 millions de jours en 2014, pas de jours de carence à l'époque, à 60 millions en 2022. Issu du communiqué « Arrêtez d'être malade » de Sud TAS du 7 novembre 2024. Le Covid a contribué à cette aggravation avec d'autres facteurs, dont la dégradation généralisée des conditions de travail. Cette augmentation n'est pas propre à la France. On la retrouve dans différents pays, parmi ceux qui fournissent des statistiques à ce sujet. À ce sujet, j'ajoute qu'il y a sur le texte en ligne, évidemment, plein de sources qui sont listées et il y aura le lien de la lecture évidemment dans la description de la dite lecture. Donc, je reprends la lecture. Leur réponse à ces pays est elle aussi très similaire puisqu'elle consiste à stigmatiser les travailleurs et travailleuses, à revendiquer une crise de la valeur travail tout en niant celle de la santé publique. Les données scientifiques abondent désormais pour démontrer que la pandémie, qui dure depuis 5 ans, plus de 5 ans, est à l'origine de l'augmentation du nombre d'arrêts maladie, de courte ou de longue durée. À l'absentéisme, avec des guillemets, des travailleurs et travailleuses et à l'effondrement de la santé au travail. Les lieux de travail, comme tous les espaces sociaux en intérieur, brassent les contaminations. Des bureaux fermés aux open space, des cafétérias aux salles de repos des personnels, des chambres d'hôpital aux établissements scolaires, le virus aérosolisé reste en suspension et se transmet de poste en poste. Le télétravail a été proposé massivement aux classes moyennes et supérieures au début de la pandémie pour cette raison, tandis qu'à la même époque, 27% des employés dits essentiels ou de première ligne ont été sommés de rester à leur poste de travail sans protection particulière. C'est sur ces travailleurs et travailleuses du soin, de la logistique, de la production et de la transformation des denrées alimentaires, des chaînes industrielles, de l'aide à la personne, que s'est abattue la première vague de Covid-19. Il en résulte une surreprésentation des femmes et des personnes racisées dans les contaminations ou dans la disparition partielle ou totale des revenus. La stratégie du tout vaccin, menée par le gouvernement, a été alimentée par le patronat dans une volonté de retour à la norme de l'économie. Elle conduit à une dégradation des conditions sanitaires des postes de travail sur fond de désinvestissement dans la médecine du travail depuis une vingtaine d'années. Partout, dans le privé et dans le public, les représentants et représentantes des personnels et des syndicats ont accompagné la reprise du travail alors que le contexte s'était dégradé par rapport au début de la pandémie. Là où les CSE, les comités sociaux et économiques, les ex-CHSCT. Donc là où ces CSE ont joué un vague rôle jusqu'en 2022 pour pousser le patronat à appliquer des mesures étatiques, la question de la pandémie a rapidement été évacuée et aucune mesure n'a été prise à long terme. Il aurait pourtant été avisé d'exiger la mise à disposition de masques, des arrêts de travail facilités pour les personnes malades, l'amélioration de la qualité de l'air intérieur. Non. Même tendance du côté syndical. Certaines branches ont sombré en défendant les soignants et soignantes non vaccinés au nom de la préservation de l'emploi et du statut de fonctionnaire. On a pu voir des positions complotistes dans des tracts. Des syndicats dits « de lutte » appelés à rejoindre des manifestations explicitement d'extrême droite. Des syndicalistes affichaient des étoiles jaunes dans ces manifestations. Ces positions n'étaient pourtant pas la tendance majoritaire. Elles ont créé des remous et des conflits à l'intérieur des branches et au sein des centrales syndicales. Il y a plutôt eu de l'espoir au départ, avec le soutien aux soignants et soignantes mobilisés, la mobilisation des syndicats d'enseignants et d'enseignantes pour obtenir des masques de qualité correcte ou encore des luttes dans la logistique pour améliorer les conditions sanitaires de travail ou l'évaluation des risques. Toute la population s'identifiait alors, à juste titre, comme vulnérable face à ce virus. Mais bientôt, la plupart des fédérations ont rejoint le déni général et le covidonégationnisme. Seuls quelques syndicats ont surnagé. À l'instar du STAA-CNTSO, le syndicat des travailleurs artistes auteurs, donc du CNTSO. Le STJV aussi, le syndicat des travailleurs et travailleuses des jeux vidéo, ou de rares branches de Solidaires aussi, c'est Solidaires informatique qui est vraiment carré sur le sujet. Ils ont défendu l'adoption de mesures de réduction des risques à la fois sur des lieux de travail et dans des événements syndicaux. Mais le narratif libertarien devenu dominant, les syndiqués, comme le reste de la population, ont exprimé leur ras-le-bol vis-à-vis des mesures de soins mutuels, en particulier du port du masque, progressivement diabolisé car perçu comme contraire aux libertés individuelles et à la convivialité. Désolé, vraiment, ça passe pas. Une forme d'eugénisme qui s'exprime en toute bienveillance. Les syndicats qui ont continué de défendre une exigence de protection sanitaire minimale ont la particularité d'être des petites entités pour qui il est sans doute plus facile de résister à la pression conformiste vers un retour à la normale que pour de grandes centrales soucieuses de ménager la sensibilité de leurs adhérents et adhérentes au profit politique très diversifié. Ainsi, s'est opéré un grand alignement des positions syndicales et des forces de gauche sur celles du patronat et des gouvernements. L'essentiel était de remettre la machine à produire en marche au nom de la santé et de l'économie et de la préservation de l'emploi, quoi qu'il en coûte de la santé des travailleurs et travailleuses, de leurs proches et de l'ensemble de la société. La bonne marche du capitalisme a été présentée comme un impératif social. Il est ici intéressant de dresser un parallèle avec l'amiante. Alors que le danger de l'amiante était reconnu depuis 1906, on a compté plusieurs milliers de morts chaque année en raison de l'exposition à l'amiante sur le lieu de travail, particulièrement dans les usines et dans le BTP. Dans ce qu'on appelle aujourd'hui le scandale de l'amiante, qui mène à son interdiction en 1997, tous les acteurs du monde du travail se sont accordés à minimiser les risques encourus par les travailleurs et travailleuses. Le patronat a refusé de remettre en question ces structures et les syndicats ont opté pour un rôle d'accompagnement en participant au comité permanent amiante, le CPA, chargé de définir la politique sanitaire en la matière. Ce faisant, ils ont opté donc pour défendre le poison et soutenir la marche suicidaire au nom de la sacro-sainte défense de l'emploi. Comme pour le parallèle entre Covid et Sida, la comparaison n'est pas raison. Et il y a des différences entre les modes de transmission et les dégâts créés par un produit toxique et un virus transmissible par aérosol. Toutefois, la minimisation continue des conditions de travail et donc de la santé des travailleurs et travailleuses présente d'importantes similitudes. On retrouve cette concorde entre patronat et syndicat pour privilégier l'économie sur la santé et maintenir l'existence d'industries nocives aux ouvriers et aux ouvrières et à la population. Qu'on pense à la pétrochimie ou à l'industrie de l'armement. L'absence totale de prise en compte du Covid-19 sur les lieux de travail aggrave fortement les risques encourus par les travailleurs et travailleuses. Chaque contamination porte en effet une nouvelle atteinte au système immunitaire et cardiovasculaire et tout effort peut entraîner des séquelles ou les aggraver. Obtenir les jours d'arrêt nécessaires à un repos suffisant suite à une contamination s'avère souvent être une gageure face à une corporation de soignants-soignantes acquise à la désinformation et traitant le Covid-19 comme un vulgaire rhume. Et pour les 10% des contaminations menant à des Covid longs, la situation est pire encore. Les états d'épuisement, de dépression, de brouillard mental et d'urgence cardio-respiratoire rendent la vie professionnelle extrêmement complexe, voire impossible. Nombre sont obligés de quitter leur emploi et de mener un nouveau combat pour faire reconnaître la maladie et peut-être parvenir à compenser la perte de leurs revenus. Le pari fallacieux de l'immunité collective porté par le gouvernement, le patronat et le monde médical a quant à lui servi depuis le début de la pandémie à minimiser les conséquences du Covid-19, effaçant l'idée même d'une exposition au risque dans les lieux de travail. L'exploitation, coûte que coûte, de la population dans un contexte sanitaire dégradé, produit un phénomène handicapant de masse. La ligne qui sépare les travailleurs et travailleuses en bonne santé des autres ne tient plus qu'à une question de temps. Que faire alors? Tout d'abord, lutter activement pour rétablir une médecine du travail contrôlée par les travailleurs et travailleuses, accessible facilement pour toutes et tous. Ensuite, contrer l'ensemble des virus aérosols par une amélioration durable de la qualité de l'air intérieur. Mise en place de capteurs CO2 pour surveiller sa dégradation, amélioration de la ventilation et de la purification de l'air, et conjointement, mettre en place une réduction des risques rigoureuse via la distribution gratuite et massive de protections personnelles comme des masques normés FFP2. Enfin, à l'instar des rares syndicats qui l'ont déjà fait, informer les travailleurs et les travailleuses sur l'autodéfense sanitaire, porter ces questions dans les AG comme dans leurs mouvements sectoriels. Pour notre santé et face aux pandémies à venir, il est plus qu'urgent de développer des pratiques radicalement anti-validistes et anti-fascistes sur nos lieux de travail. Voilà, c'est la fin de ce texte, une nouvelle fois excellent, écrit par les Canards Masqués. Les Canards Masqués, c'est un groupe d'autodéfense sanitaire composé de palmipèdes Andy et Valide et qui lutte pour des futurs anti-validistes. C'est tout pour aujourd'hui. Je vais essayer de mettre ça en ligne le plus rapidement possible. Pour une fois, il n'y a pas eu de bruit venu parasiter et d'autres inconvénients dont je ne vais pas parler ici. J'ai vraiment hâte de vous retrouver ailleurs qu'en ligne. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.